plus puissant sur Jam Tabac. Bizarre. Ça y est, je suis repassé sur Jam Tabac. Et là, ça va beaucoup mieux le tempo. Putain, il y a un bon cas de ninja. Là, ça va. Jam Tabac. Thank you.